Bonsoir à tous et bon début de soirée sur Fadjet, on est ensemble et en direct jusque 19h30 en cette fin de mercredi 11 février dans votre émission Archiphonique. Archiphonique, c'est votre émission culturelle Fadjet consacrée à toutes les questions portant sur l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Vu que ce sont les vacances, Camille ne nous fera pas le plaisir de sa chronique aujourd'hui, mais nous nous réjouissons d'avance de le retrouver à la rentrée prochaine, c'est-à-dire dans 2 semaines. Et sinon, en rediff de l'émission du 17 décembre 2014, la semaine prochaine. Aujourd'hui, au menu de votre émission Archiphonique, nous retrouverons, comme chaque mois, l'architecte urbaniste Marc Vertier. Bonsoir Marc. Bonsoir. Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir ? Alors on va parler des villes du futur, avec plein de guillemets autour du futur, donc la ville connectée, la ville intelligente. Ok, alors vous êtes peut-être en train de nous écouter en ce moment même sur internet, et bien si c'est ça, n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook, www.facebook.com/archiphonique, pour vous tenir informé des dernières actus de l'émission Facebook, d'ailleurs qui peut faire partie aussi de ces choses de villes du futur dont il faut se méfier. On en parlera dans quelques instants. Archiphonique, c'est la seule émission à vous parler de tout ce qui vous entoure. Et c'est tout de suite sur Fadjet. On commence avec une petite pause musicale, du coup, comme Camille n'est pas là, avec du Jacques Brel, Bruxelles. Et puis on revient, donc, juste après ça. A tout de suite. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brouckère, on voyait les vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il est des militaires, elle est des fonctionnaires. Il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine dansaient les hommes, les femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il a fait su faire, elle avait laissé faire. Il l'avait donc fait tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles dansait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sous les lampions de la place Sainte-Justine chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il attendait la guerre, elle attendait mon père. Ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'aie le moral. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Depuis 1985, Fadjet, 30 ans d'expression culturelle. De retour dans Archiphonique avec Marc Vertier, on va parler aujourd'hui de la rareté. Alors oui, la rareté comme finalement peut-être conséquence de la petite chronique. puisqu'on part d'abord sur l'abondance. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société d'abondance, de consommation, où finalement les systèmes économiques décident de beaucoup de choses. Et donc je voulais réagir à des documentaires que certains de nos auditeurs ont peut-être vus, qui sont passés il y a une quinzaine de jours sur Arte, qui s'appelait « Les villes du futur ». C'est passé le mardi 20 janvier. Il y a donc à peu près une quinzaine de jours sur Arte. Il y avait trois documentaires, un sur les nouvelles villes, la deuxième sur les villes intelligentes et le troisième sur les fermes verticales. Alors je vais plutôt me centrer sur la question des villes intelligentes, mais les trois allaient dans le même sens, c'est-à-dire nous partir du postulat que évidemment le phénomène urbain était un phénomène planétaire qui posait question, puisque aujourd'hui au niveau européen, on a à peu près 80% de la population qui vit en ville. Au niveau de pays comme la Chine ou l'Inde, on doit être autour de 30-35%. Globalement, au niveau planétaire, on est à peu près 50%, mais on sait qu'en 2050, on aura 70% des êtres humains qui habiteront dans la ville. Donc la question du développement de la ville est une vraie question. Donc beaucoup de gens s'y intéressent aujourd'hui, et à commencer, puisque nous sommes donc dans cette société de la consommation, par des grands acteurs économiques. Donc on est en train de fabriquer une ville, enfin un marché de la ville. Il y a un marché de la ville. Et donc, évidemment, ce marché de la ville aujourd'hui se fonde beaucoup sur la technologie et la capacité, grâce à la technologie, de nous vendre des smart towns, des villes intelligentes avec des systèmes de réseau où tout, finalement, sera beaucoup plus intelligent, donc beaucoup mieux régulé. Mais ça, évidemment, les documentaires le démontraient de façon assez époustouflante. Je me suis même posé la question à un moment donné si ces documentaires n'étaient pas des sortes de publi-reportages montés par le business de la ville, qui est donc en train d'émerger en tant que tel, parce qu'on sait bien que la ville est un système économique, hein, qu'il y a des promoteurs, qu'il y a des... Mais là, c'est plus que ça, c'est qu'on nous vend des systèmes urbains clés en main. Qui sont fondés sur une intelligence évidemment et d'adaptation. Alors par exemple des systèmes de flux et de tout ce qui fabrique la ville, c'est-à-dire la façon dont on se déplace, la façon dont on habite, etc., qui est basé sur l'analyse personne par personne. Alors à partir des smartphones, hein, des téléphones qu'on a tous, on est branché en permanence. Donc tout ça évidemment est mis dans des réseaux extrêmement complexes, de façon à ce que l'ensemble des systèmes de transport, d'alimentation, etc., s'adapte en permanence au fonctionnement de tous les habitants. Ce qui veut dire derrière ça, évidemment, la ville devient un système technique extrêmement complexe, basé sur la capacité du système à s'adapter à chaque individu en tant que tel, donc il devient un des éléments d'information du système. Ça veut dire que l'individu, évidemment, sa vie, son mode de vie, c'est minute par minute est entièrement surveillé, entièrement analysé, décortiqué. Et on comprend bien derrière ça que Orson Welles, quand il écrit 1984, c'est un petit joueur. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec évidemment, on a beaucoup parlé de liberté ces derniers temps, et on se dit que là, la liberté, pour le coup, elle est instrumentalisée complètement. Et quelque part, cette liberté, elle devient presque virtuelle, puisque c'est sur notre pseudo-liberté individuelle, analysée, décortiquée, que l'on propose une ville intelligente et qui effectivement pourrait répondre aux besoins des uns et des autres. Alors, dans ces reportages, on nous expliquait bien qu'à un moment donné, on était de l'ordre d'un marché de la ville de plusieurs centaines de milliards de dollars. Et on comprend bien aussi, quand même relativement inquiétant, que la ville peut bugger. Ça veut dire qu'à un moment donné, on sait bien que pas un système aujourd'hui, même quand on nous vend un véhicule ou un ordinateur parmi les plus performants, voilà, on sait bien qu'à un moment donné, il peut bugger. Sauf que quand une ville bug, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Et puis deuxièmement, on nous vend finalement, et ça existe, Songo, une ville smart city mise en place en Corée du Sud. Dubaï également est en train de mettre en place ces fameuses villes connectées, intelligentes, durables, enfin tout ce qu'on veut au milieu du désert. Hein. C'est évidemment, on sait que tout ça, on a un peu d'argent pour mettre ça en place. Donc tout ça est en train de se tester. Et bien entendu, on comprend aussi que derrière le business de la vente de systèmes de villes intelligentes comme ça, on nous vend de la maintenance ad vitam aeternam. Ça veut dire que les grands groupes industriels, ils sont à la limite, la vente de la ville clé en main, Smart City, est une première étape pour eux, mais le marché juteux pour eux, derrière eux, derrière ça, c'est pendant des dizaines et des dizaines d'années la maintenance de cette ville-là et sa mise au niveau, etc. Et ça, je trouve ça absolument effarant de nous présenter ça comme étant le modèle d'évolution de la ville, quoi. Alors, ce qui est intéressant dans ces approches, c'est que quand même, il y a un peu de débat. Et évidemment, on sait bien que cette ville ne sera pas pour tous. Qui va avoir les moyens, quand je dis quel pays, quel territoire, quelle société va avoir les moyens d'offrir à l'ensemble de ses habitants de la ville de ce type-là et des modes de vie qui correspondent à des modes de vie, évidemment, aujourd'hui, d'une petite écume sur la grande, le grand océan de la civilisation de population. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelques privilégiés, entre guillemets, dont je ne voudrais pas être, qui pourront bénéficier de cette ville-là. Et pendant ce temps-là, toutes les pays qui n'auront pas les moyens, comment on fonctionne, quoi, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut nous faire croire que cette ville-là est la ville du futur, qui était donc le titre de la série diffusée sur Arte. Je trouve que c'est étonnant. Alors, il y a eu pas mal d'articles après qui ont réagi. J'en cite un là dans 20 minutes, voilà, qui Anaël Grondin, journaliste sur 20 minutes, qui le lendemain même évidemment avait un, mais parmi énormément d'autres, hein, a critiqué fortement. Et alors, c'était intéressant parce que à la fin elle expliquait, elle citait, mais finalement, même si c'est un peu tendance d'avoir une ville vitrine, un hub ultra connecté, etc., ça va se faire au détriment de provinces ou en tout cas de pays qui n'auront pas les moyens de développer cette ville-là. Et elle terminait, je trouve ça très intéressant, elle imagine qu'un jour, finalement, habiter dans ces territoires qui n'auront pas eu les moyens de développer cette smart city, ça sera une forme de résistance pour échapper à la surveillance. Et évidemment, je trouve ça assez intéressant. Voilà. Donc, j'étais moins relativement effrayé par ce développement de cette ville hyper technique. Alors, hyper technique, hyper surveillée, entièrement numérisée, et quelque part qui simplement repositionne la matière ville, qui pour moi est une matière sociale et humaine dans un premier temps, et qui repositionne la fabrication de la ville dans une logique stricte de marché. Et alors moi, en tant qu'urbaniste, peut-être républicain, avec cette vision un peu française, européenne en tout cas, de la ville historique, et puis en plus dans une vision républicaine de partage et de générosité, peut-être je suis encore un vieux quand je dis ça, moi ça me semble pas, absolument pas tenable, et je suis convaincu, et on va revenir à la rareté, je suis, et finalement à d'autres valeurs, je suis persuadé que cette société de l'abondance qui a fini par fabriquer cette pensée d'une ville hyper connectée où l'humain est finalement simplement un rouage d'un système à la fois technique et économique, pour moi, c'est pas l'avenir. En tout cas, je souhaite que ce soit pas l'avenir. Finalement, ce côté sécuritaire-là, c'est assez marrant qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'il y a une semaine, au JT de France 2, j'ai vu un reportage sur un parc en France qui s'était doté d'une caméra parlante. C'est-à-dire que la police municipale était derrière son écran, et dès qu'elle voyait par exemple quelqu'un qui lâchait son chien, qui détachait son chien de la laisse, il appuyait sur le bouton et il lui disait depuis son bureau: monsieur, veuillez raccrocher votre chien à la laisse. C'est quand même assez effrayant, non? Oui, c'est complètement effarant. Et ce qui est fou, c'est que les gens étaient contents de ça. Ouais, mais il faut voir qu'aujourd'hui, là aussi, je pense que derrière ça, il y a des marchés, et on comprend bien que on essaye de nous vendre des aspirateurs, hein, dans tout ça. Il y a un marché de la sécurité, c'est-à-dire qu'il y a un syndrome sécuritaire alimenté par des journaux télévisés qui sont devenus ni plus ni moins qu'une sorte d'accumulation de faits divers qui fabrique une espèce de société de la peur, et donc d'un syndrome sécuritaire qui monte en puissance, qui fait que les partis extrémistes évidemment trouvent leur place facilement là-dedans, voilà. Et donc aujourd'hui on a par exemple la mise en place de caméras de surveillance dans les villes, c'est voilà. Moi je travaille pour une ville que je vais citer qui s'appelle Briey, qui est une petite ville. On fait des projets très intéressants avec vraiment une petite commune qui se démène pour faire des choses de très grande qualité. J'étais en conseil municipal il y a quelques temps, et avant ma présentation d'un projet d'aménagement, il y avait un bureau d'études en sécurité qui venait expliquer où il fallait mettre les caméras à Briey. à Briey. On n'est pas à Chicago, hein, on est à Briey. J'étais vraiment, alors avec toute une analyse des risques et puis une analyse de tous les, pas les conflits, mais les attaques ou je sais pas quoi, tout ce qu'il y a pu y avoir à Briey sur les 10 dernières années. On nous expliquait, voilà, du coup, qu'il fallait mettre X caméras, voilà. Et effectivement, c'est juste impressionnant. Alors, dans les mêmes reportages là, sur les villes intelligentes et les villes connectées, il y a effectivement nous présenter par exemple le Shanghai où la vie des citadins était entièrement numérisée, alors leurs allées et venues, leurs achats, les examens médicaux, les activités, grâce aux solutions technologiques d'entreprises privées qui du coup ont accès à toutes ces données privées. Dans un régime comme autoritaire comme celui de la Chine, on voit bien que certainement, ce n'est pas simplement les entreprises privées qui ont accès à ces informations-là. On comprend bien que c'est à d'autres niveaux que la surveillance se fait. Mais pour ces, évidemment, entreprises privées qui ont accès à ces données privées sur les habitudes, les achats, etc., les examens médicaux qui informent aussi sur les besoins des gens, on comprend bien que derrière ça, c'est des marchés, quoi. Donc, méfions-nous, c'est-à-dire derrière l'aspect sécuritaire qui peut quelque part rassurer ou en tout cas séduire un certain nombre de populations qui sont sous cette emprise du syndrome sécuritaire, on a une réalité qui est une réalité consumériste. C'est-à-dire de gens qui vont, et on comprend bien dans une société qui dans les 10 dernières années a fait exploser les écarts de richesse entre les plus pauvres et les plus riches à l'échelle planétaire, on comprend bien que le système, il s'emballe. C'est-à-dire qu'on continue à aller dans ce sens-là. Par pitié, pas au nom de la ville, pas au nom de la ville de demain. Ça, je ne peux pas admettre, quoi. C'est pas possible. On va revenir avec cette notion de rareté juste après la pause musicale avec Caravan Palace et Dragons. À tout de suite. Caravan Palace Dragons, vous êtes sur Fadjet, il est... Allez, 19h moins... Ah, oui, bon, l'émission est enregistrée, je n'ai pas l'heure devant moi. Allez, il est 19h20, on est de retour dans Archiphonique avec Marc Verdier qui nous parlait juste avant la pause d'une notion très importante aujourd'hui qui est la notion de rareté. Oui, donc revenir, alors par rapport à ce qu'on a dit juste avant la pause musicale, où il me semble que cette ville hyper technologique, soi-disant intelligente, fabrique de la fragilité incroyable, avec une perte de résistance de tous les systèmes, puisqu'elle devient entièrement numérisée, organisée, donc buggable, je ne sais pas si ça se dit, enfin bref, elle peut bugger. On va inventer le terme aujourd'hui. Et en plus, extrêmement ennuyeuse pour les habitants, me semble-t-il, puis avec des pertes de choses qui faisaient les solidarités humaines. Tu parlais tout à l'heure de ce banc qui était surveillé par une caméra, par un gendarme qui est je ne sais où, et peut-être qu'il valait mieux que le gendarme soit dans le parc en train de discuter avec les gens, faire raccrocher la laisse du chien, et puis en même temps parler avec la maman qui se balade avec ses gamins, enfin bref, de la relation humaine, quoi, parce que la ville c'est aussi, et c'est peut-être d'abord ça. Donc la rareté, oui, parce qu'il me semble que revenons finalement à une vision peut-être plus modeste de fabriquer une ville confortable, avec des vraies valeurs, alors humaine, je l'ai dit, mais aussi par rapport à la façon dont on la fabrique, par rapport aux ressources locales, avec peut-être une certaine rareté, encore une fois, de ces ressources, et ne pas croire qu'il y a une abondance générale, et que derrière l'abondance, il y a de la consommation, et que derrière la consommation, il y a des marchés. Plutôt dire, bah, revenons à des choses qui sont rares, mais du coup, qui ont beaucoup de valeur, parce qu'elles sont précieuses, donc j'ai parlé, la relation humaine, mais aussi la ressource, qui est la ressource en eau, qui est la ressource en énergie, qui est la ressource en sol, qui est la ressource en besoin technologique, peut-être, mais en éléments qui sont bien positionnés au bon endroit, là où réellement il y a un besoin. Par exemple, je pense, je ne suis pas quelqu'un qui est contre la technologie, je pense que par exemple la régulation des besoins en énergie d'une ville aura besoin de systèmes intelligents. Donc là, oui, on a besoin de ça. Mais ne mettons pas tout dans le système de surveillance technologique. Donc moi, j'ai l'impression qu'on doit faire de la ville robuste, de la ville résistante à long terme, et que la résistance impose finalement une sorte de frugalité, une sorte de simplicité. Voilà. Et donc moi, je milite pour une ville rare. Alors, j'utilise à dessein ce mot, parce qu'elle est rare, parce qu'elle a de la valeur, et rare parce qu'elle va utiliser tous les éléments dont elle a besoin de la façon la plus mesurée possible, même si elle peut être extrêmement ambitieuse dans ses objectifs de solidarité humaine, dans ses objectifs de fabrication de richesses. Voilà. Mais en tout cas, ne livrons pas la ville à des systèmes de marché qu'on ne maîtrisera plus, qui vont s'emballer. On a tous bien compris ce qui était en train de se passer au niveau international sur le monde financier. Est-ce qu'on met la ville dans ce paquet-là? Voilà. Et ça, pour moi, c'est extrêmement, extrêmement problématique. Alors, je reviendrai pour terminer sur un de mes collègues qui travaille sur le paysage et qui disait, tu sais, Marc, aujourd'hui, il y a deux types de façons de gouverner la ville. Soit on le fait de façon paléolithique, soit de façon néolithique. Alors les paléolithiques, c'était cette idée de la culture de la cueillette, c'est-à-dire la culture de quelque chose qu'on prélève sur un milieu de façon à ne pas en modifier l'équilibre et de façon quelque part à permettre à ce que ce système soit pérennisé. Et puis le néolithique, c'est qu'on invente l'outil et on met le doigt dans un engrenage dans lequel on est aujourd'hui, qui on ne sait plus arrêter et sur lequel on est allé évidemment dans des situations extrêmes et qui sont récupérées aujourd'hui. Alors je ne dis pas que le fait de forcer la nature, comme le néolithique a pu le faire, puisqu'on a dompté et domestiqué grâce à l'outil. Alors, on ne va pas non plus dire que l'outil n'est pas utile, et quelque part, l'outil est évidemment indispensable. Mais je trouve que c'est intéressant, cette espèce d'équilibre à trouver entre une attitude paléo ou une attitude néo. Voilà, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans cette attitude nécessairement attentive aux ressources et au potentiel de façon à préserver un système robuste? Et je mets le système également à l'échelle humaine et sociale, où est-ce qu'effectivement on laisse l'outil s'emballer et nous échapper. Voilà. Et ça, je pense que c'est le risque. Et je trouve que ces émissions donc, que j'incite, je pense que c'est encore possible à regarder en replay sur le site de Arte. Arte plus 7, Arte non plus 7, peut-être, je ne sais pas exactement. En tout cas, je, encore une fois, je suis pour le coup pas très au courant de tout ça, mais je pense qu'il faut le faire. Il faut aller voir ces choses-là et puis les regarder avec un vrai regard de critique, en se disant, mais est-ce que c'est dans cette ville-là qu'on veut vivre ? Et alors, toi, tu vas vivre dans quelle ville, du coup ? Ah ben moi, c'est une ville paléo ou une ville néo? Je pense que j'ai déjà la réponse. Ben, c'est l'équilibre entre le paléo et le néo, mais peut-être je tends plus vers le paléo, mais moi je suis un vieux, c'est pour ça peut-être. Non, non, moi je suis évidemment branché, j'ai aussi mon smartphone, mais je pense qu'il ne faut pas se laisser dépasser par la technique, et surtout quand la technique est récupérée par des logiques de marché. Et encore une fois, pour moi, la ville, c'est quelque chose... Il y a trop d'enjeux sociaux et humains dans la ville pour la laisser échapper vers les logiques strictes de marché. Merci beaucoup Marc pour cette nouvelle revue de presse. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, restez connectés. Vous pouvez également nous retrouver sur internet sur le site officiel de la radio fadjet.net pour écouter l'émission de la semaine. Rendez-vous pour cela dans la rubrique archiphonique ou bien dans la rubrique tous les podcasts. La semaine prochaine, mercredi 18 février, comme je vous le disais au début de cette émission, ce sont les vacances. Du coup, c'est une rediffusion qu'on vous propose avec l'émission du 17 décembre dernier où nous recevions avec Camille, Didier et Mathilde du collectif Nancyclette, un événement qui se déroule à vélo dans Nancy. C'est gratuit, c'est super citoyen comme engagement en tout cas. Nous on aime et on ne peut que vous engager à y aller. Et pour toutes les infos sur le rythme et le lieu des manifestations, écoutez la rediff de la semaine prochaine et vous saurez tout sur tout. À suivre sur Fadjet, le programme habituel. On se retrouve en direct dans deux semaines. Bonne soirée à tous, salut!